Activité 1, page 49. Qu'est-ce que je fais? Écoutez les 7 mini-dialogues suivants. 1. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Très bien. Continuons. 2. Vous voyez ici la partie la plus ancienne de la ville. Elle vient d'être restaurée et actuellement, c'est le centre de la vie nocturne. Elle date de quelle époque? 3. Vous cherchez un appartement dans le centre ou en banlieue? Dans le centre, si c'est possible. Et vous voulez un grand appartement? 4. Ouvrez bien la bouche. Plus. Plus. Levez la main si je vous fais mal. 5. Votre voiture n'est pas totalement réparée. Je n'ai pas fini, je n'ai pas eu le temps. Oh, mais c'est très ennuyeux. Je circule toute la journée en voiture. 6. Maître, nous vous écoutons. Mon client se déclare innocent, madame le juge. Et je vais le prouver. 7. Voilà ce que je prépare aujourd'hui. Soupe, consommé ou salade composée. Après, bœuf en sauce ou poisson grillé. Bien, chef.